Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les Illuminati à l'ombre du complot. En 1798 paraît le premier volume des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Barruel. Conspiration, complot, intrigue occupent une bonne place dans ses arguments pour expliquer l'impiété, l'anarchie et le bouleversement profond que représente la Révolution française avec moult détails. Selon l'abbé Barruel, à dater de l'instant où tous les députés maçonniques furent illuminés, les progrès de la secte bavaroise deviennent menaçants. Et ils sont si rapides que bientôt l'univers sera rempli de conjurés. Leur centre désormais est à Francfort. Aujourd'hui, ils sont partout. Comment une petite société secrète du XVIIIe siècle, à la vie courte, est-elle devenue une machine à fantasmes ? Pierre-Yves Beaurepaire, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Si nous nous trouvons en Bavière, allez à Munich, nous sommes dans les années 1770, il y a de vrais débats autour de possibles secrets qui se cachent, de sociétés secrètes, les jésuites surtout. Oui, tout à fait. On est dans une situation très particulière puisque la Bavière, ça a été vraiment la citadelle des jésuites dans l'espace germanique et puis de manière générale en Europe. On a le souvenir de la guerre de 30 ans, de la reconquête catholique. Et on est à l'époque où les jésuites sont en très mauvais passe. Ils sont interdits en France, au Portugal. Bientôt, le pape lui-même va les supprimer. Et de ce fait-là, c'est toute la question de la mainmise sur l'éducation qu'exerçaient les jésuites qui est en cause. Oui, parce que les jésuites posent un problème à la papauté, justement parce que ils sont peu contrôlables. Les jésuites, ce sont des catholiques, il n'y a pas de souci. En quoi posent-ils problème d'ailleurs ? En fait, il pose problème à beaucoup de monde, y compris à certains ordres religieux qui sont jaloux, parce que ce sont d'excellents pédagogues et qui aimeraient bien prendre leur place. C'est aussi une société puissante, très organisée, avec un général à sa tête, etc. Alors certes, ils ont fait, comme vous le disiez, vœu d'allégeance à Rome et au pape, mais ils ont beaucoup d'ennemis. Et puis, en France, par exemple, on a un prince, Louis XV, et un ministre, Choiseul, qui aimerait bien faire une sorte de deal avec les parlements, vous acceptez les réformes fiscales, etc. Et on vous sacrifie les jésuites. Oui, et les jésuites sont interdits. C'est très important, hein, cette idée d'interdiction, parce que pour les observateurs, évidemment, interdire les jésuites ne signifie pas qu'ils disparaissent comme ça d'un claquement de doigts. Ils sont encore là. Donc l'idée que il se passe quelque chose de caché et dans les esprits. Oui, effectivement, ça c'est un aspect très important qu'on oublie toujours, c'est que, par exemple, l'abbé Barruel, on dit toujours ex-jésuite, mais il n'avait même pas eu le temps de faire ses vœux de professe avant la suppression que vous venez d'évoquer en 1773, et il faudra attendre 1814 et le rétablissement des jésuites par le pape, donc vous voyez, la révolution est passée par là, l'essentiel de l'Empire, pour qu'ensuite il devienne vraiment un jésuite plein et entier, et donc il y a cette jalousie aussi, cette volonté de revanche des anciens jésuites contre toutes les lumières, contre tous ceux qui sont accusés d'avoir en fait être à l'origine de la disparition de leur ordre, qui va jouer pleinement pendant cette période. L'interdiction des jésuites en 1773, vous nous le dites, hein, Pierre-Yves Beaurepaire, concerne l'Europe, la France notamment. Quelle est la particularité de la Bavière dans cette histoire ? Alors la particularité de la Bavière, c'est que c'est un État catholique dans la mosaïque du Saint-Empire romain germanique, où on a des États catholiques, protestants, etc. C'est leur fief, hein, la petite ville d'Ingolstadt où les illuminés de Bavière, ce que Barruel appelle comme ça et qu'on appelle en Allemagne les Illuminaten, vont être créés 3 ans après la suppression. C'est à Ingolstadt, une petite ville, mais qui était le fief jésuite au XVIIe siècle. Donc c'est pas du tout un hasard. On est dans la citadelle même des jésuites qui, du coup, sont obligés de se recycler. Ils vont même certains aller jusqu'en Russie continuer comme enseignants. Nous sommes en Bavière, nous sommes dans ces années 1770, donc on l'a bien dit, les jésuites sont supprimés. Il se passe quelque chose de très particulier autour de ce fief jésuite avec, vous avez utilisé ce mot, Pierre-Yves Beaurepaire, les Illuminés. Alors qui sont-ils ? Alors, les Illuminaten, à l'origine, ou les Illuminés, il y a trois noms en fait. Nous, on a gardé Illuminati parce que ça a eu beaucoup de succès à l'anglaise. Les Illuminés de Bavière de Baruel, et eux s'appellent Illuminaten, mais au départ, ils ne savaient pas trop comment s'appeler. Effectivement, on a un ancien élève des Jésuites, Adam Weishaupt, qui est leur fondateur. Alors, il va choisir un nom en rupture, il va s'appeler Spartacus. Ouais, on voit bien qu'on est dans la logique du combat, du défi, de la volonté de se débarrasser de cette mainmise jésuite sur l'éducation, les livres, etc. C'est vraiment une volonté d'émancipation et simplement la scène est très occupée par aussi d'autres sociétés, d'autres gens qui veulent s'organiser, etc. Et lui, il est quand même encore très marqué par ses origines, sa formation jésuite. Quand il va créer son ordre, il va se penser général. Donc en fait, il veut se débarrasser des jésuites, mais il transpire le jésuitisme, comme on dit au XVIIIe siècle, par tous les pores de la peau. Et il veut former des novices, comme par hasard, c'est ce qu'on disait des jésuites, mais qui seraient là pour se libérer, s'émanciper. Cet homme-là, issu d'un univers jésuite, crée... Alors, qu'est-ce qu'il crée ? On ne sait pas trop. C'est pas une religion, évidemment, une secte, on n'utilise pas le mot. Il crée une société particulière, ces Illuminés, mais en opposition aux jésuites ? Alors, oui, tout à fait. Au départ, il ne sait pas trop lui-même. Il voudrait créer un ordre des abeilles. C'est un peu moins sexy que Illuminé de Bavière ou Illuminati. Hein. Et puis, finalement, il se dit une société de sagesse pour l'humanité. Ce n'est pas non plus très bon comme titre. Et puis, finalement, il va se dire il s'agit des Lumières, d'être illuminé par... la science, la connaissance, etc. Là, c'est vraiment l'environnement des Lumières. Mais pour ça, je dois sélectionner les meilleurs. Il commence par ses propres étudiants, un petit noyau. Et progressivement, on va changer complètement d'orientation pour faire une véritable société secrète qui doit, de l'intérieur, transformer la société, le rapport à l'éducation, etc., jusqu'à la politique. Et c'est là qu'à un moment donné, bascule dans un autre monde. Oui, ils sont illuminés, non pas parce qu'ils sont zinzin, ils sont illuminés parce que, vous nous le dites, Pierre-Yves Beaurepaire, ils sont liés aux Lumières. Au moment de créer cette société secrète, quelle est l'ambition ? Parce que il y a bien quelque chose là dans l'esprit. Lié aux Lumières, c'est imposer, aider, soutenir les idées des Lumières ? Oui, alors tout à fait. On est vraiment dans la caractéristique propre aux Lumières en Allemagne. Par exemple, quand on parle de la France au 18e, on ne parle pas des universités, parce qu'elles sont elles sont pas spécialement en phase avec les Lumières. On parle des salons, on parle des milieux réformateurs, etc. En Allemagne, les universités sont au cœur des Lumières, de ce qu'on appelle la Aufklärung. C'est là que les professeurs, les étudiants, etc., pensent la transformation de l'État, de la société, de la culture. Donc c'est pour ça que c'est très lié à la fois à l'université, à l'environnement jésuite et à la volonté, effectivement, de fédérer tous ceux qui veulent transformer la société par des livres. C'est-à-dire que les novices vont devoir lire du classique, mais aussi du très sulfureux, des auteurs matérialistes, etc., des auteurs à l'époque, mais interdits, étape par étape, pour s'émanciper de tout leur environnement traditionnel, y compris familial, etc., pour être façonnés par cet ordre. Lire des auteurs interdits signifie aussi qu'il y a un peu de discrétion et, dans le cas des Illuminés, du secret. Pourquoi ce choix du secret ? Alors ça aussi, c'est un aspect extrêmement important parce que le secret à l'époque, aujourd'hui encore, fait vendre. C'est-à-dire que la société qui va se dire secrète, ou par référence à votre émission d'hier sur les francs-maçons, à secret, ou qu'il y a un lien avec les cultes à mystère, comme pour celle de Mitra, toutes ces formes de secret, avec un au pluriel, eh bien, sont extrêmement attractives pour les membres qui vont y entrer parce que c'est flatteur, pour les jeunes étudiants qui vont la rejoindre, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'idée aussi qu'il faut cheminer masqué pour pas être trop vite en butte aux autorités, à ceux qui s'intéresseraient trop près à ce que vous faites. Il faut avancer masqué, pas du tout dans une logique de complot, mais dans une logique d'être à l'écart, de s'organiser, de se structurer en marge pour mieux ensuite être prêt à affronter les ennemis, c'est les anti-lumières, très clairement. Au moment où Weishaupt crée cette société secrète des Illuminés, il avait pourtant le choix de s'inscrire dans un mouvement qui existe déjà partout en Europe, celui des francs-maçons. Pourquoi pas ce choix ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il le fait, mais un peu aussi, ce choix de la franc-maçonnerie, mais un peu par accro, avec un certain mépris. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a énormément de loges, effectivement, dans l'Europe des Lumières à cette époque-là. C'est vraiment le phénomène de sociabilité le plus large qui soit. Il y a des loges à côté de chez lui. En 76, l'année où il crée les Illuminaten, il va lui-même adhérer à la franc-maçonnerie, mais en disant qu'en gros, c'est pour voir, c'est ce qui est autant certains Illuminaten seront vraiment très engagés dans la maçonnerie, lui considère que son ordre est bien meilleur quand même. Il fait pas ce choix-là et pour l'instant, il n'a pas du tout vu les possibilités, le potentiel de la franc-maçonnerie. Avec une exigence de confidentialité. Je sous-signais, m'engage sur mon honneur et ma réputation d'honnête homme, et en m'interdisant toute restriction mentale, à ne jamais faire connaître à qui que ce soit, fût-ce mon ami le plus intime ou l'un de mes parents, et de quelque façon que ce soit, parole, signe, regard, etc., la moindre chose de ce qui m'a été confié par, nom du recruteur, à l'occasion de mon admission dans une société secrète. Que cette admission ait lieu ou non. Je prends cet engagement d'autant plus volontiers que celui qui me reçoit me donne l'assurance que cette société ne vise à rien qui soit contraire au bien de l'État, à la religion et aux mœurs. Olivier Martineau qui disait dans le cours de l'histoire un formulaire de déclaration de confidentialité. Donc là, nous sommes sur un texte extrêmement clair, mais c'est formidable, Pierre-Yves Beaurepaire, de travailler, historien que vous êtes, professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, sur des documents. Moi, j'adore l'idée qu'il y ait un texte écrit pour une déclaration de confidentialité. Et c'est exactement ça, et c'est toute l'ambiguïté des Illuminaten. C'est une société secrète, mais qui a produit un nombre de documents absolument hallucinants, de textes, de comptes rendus. Chaque membre doit faire tous les mois une sorte d'exercice de conscience. Là aussi, on voit l'empreinte jésuite pour raconter ce qu'il a fait, ce qu'il a lu, etc. Il y a une masse de documents exceptionnels. Et d'ailleurs, quand les Illuminaten sont attaqués par les autorités, et ça aussi, c'est très moderne, la première chose que feront les autorités bavaroises, c'est de publier, pas seulement les listes, les documents, les correspondances, etc. Pour dire, vous voyez, on vous a pris en fait les mains dans le pot de confiture, vous êtes une société secrète, mais vous produisez des documents sur le secret. Donc c'est assez sidérant, mais c'est une caractéristique de cette société. Où sont ces archives aujourd'hui ? Alors, ces archives sont dans des lieux très différents. Il y a d'abord des archives qui se trouvent à Berlin, dans les anciennes archives secrètes de Prusse. Certaines sont dans les archives d'État en Bavière. Beaucoup ont été publiées à cette époque-là, à partir de 1785, justement, pour dévoiler au public cette société, dire, vous voyez que les autorités font leur boulot, puisqu'elles démasquent les comploteurs. Les correspondances, on les a éditées depuis quelques années de l'ordre, mais je suis allé aussi en trouver jusqu'à Yale aux États-Unis parce que on a des informateurs de l'abbé Baruel qui s'y trouvent, hein, notamment un Genevois qui s'appelle Deluc. Elles sont comme toutes les archives des Lumières un peu aux quatre coins du monde, mais surtout elles sont très très nombreuses. Et il y a surtout un centre de l'université d'Erfurt qui s'appelle le centre de Gotha qui édite et ces bases de données sont même accessibles en ligne à tout le monde, des listes de membres, des documents, etc. Donc on a vraiment énormément de documentation. Pierre-Yves Beaurepaire, Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Talendier avec plusieurs lectures de ce livre qui est formidable parce que c'est une enquête, c'est une aventure. La première lecture, c'est qui était-il ? Vous nous avez bien dit la naissance en Bavière de cette société secrète liée en opposition aux jésuites qui eux aussi sont secrets. Nous comprenons bien à quel point ils sont reliés à l'esprit des Lumières. La question qui se pose maintenant, c'est le succès. Ça fonctionne cette petite société secrète d'illuminés ? Alors au départ, pas du tout. parce que Weishaupt est tellement dans son plan, je recrute quelques étudiants, je les forme sur des années et des années, finalement ils n'entreront dans l'appareil d'État où ils seront influents que 20 ans plus tard, donc c'est une poignée de membres. Et puis d'un coup, avec un nouveau membre qui s'appelle Knigge, hein, vous évoquiez la franc-maçonnerie, lui comprend que la franc-maçonnerie c'est un extraordinaire vivier potentiel qu'on peut offrir, on peut structurer l'ordre des Illuminatons pour offrir aux francs-maçons une place et passer de la société à secret qui était la franc-maçonnerie à la société secrète qui était les Illuminatons engagés dans le combat des Lumières. Et en quelques semaines, en quelques mois, on a des centaines de membres qui viennent. Et là, on a un décollage vraiment express. Et surtout, on sort de Bavière, on touche tout l'espace germanique et même au-delà. Et ça, c'est vraiment un tournant qui plaît d'ailleurs pas tellement au fondateur, à Weishaupt, parce qu'il a beau s'appeler Spartacus, il est un peu mégalo et il pense un peu que c'est son bébé et il voit pas pourquoi d'autres viendraient lui dire qu'ils ont des meilleurs plans pour développer l'ordre que lui. Et puis, il y a cet objectif qui quand même paraît très clair, c'est de former des gens pour ensuite les placer à des postes importants. Ça, c'est vraiment intellectualisé, c'est réfléchi. Oui, tout à fait. On va organiser en fait l'ordre en classes. La première classe, c'est celle des... vous avez lu le texte tout à l'heure et on voit ceux qui vont entrer dans l'ordre. Ils sont pas encore, mais ils vont devenir novices, puis minerves, etc. Donc ça, c'est la première classe. La deuxième classe, elle s'appelle Freimaurerei, la franc-maçonnerie, hein, même si elle vient vampiriser en fait les ressources de la franc-maçonnerie. Et la troisième, c'est la classe la plus secrète de l'ordre qui doit mener à savoir comment on dirige les hommes, les sociétés, l'État. Finalement, c'est une pépinière de futurs administrateurs, mais qui garderont secrète leur appartenance à l'ordre. Et là, bien évidemment, là, on voit que c'est la société secrète qui veut influencer l'appareil d'État, les administrations, les princes. Certains princes seront membres des Illuminatons, mais on change complètement de nature par rapport à simplement former des esprits aux Lumières. Là, c'est vraiment la volonté d'intégrer l'appareil d'État de manière secrète, de noyauter un certain nombre d'institutions. Bien évidemment, quand on va découvrir cette existence, pour les anti-Illuminatons, c'est le jackpot, parce que c'est la preuve que la conspiration existe. Pierre-Yves Beaurepaire, vous commencez votre ouvrage « Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot » par un coup de foudre. Ce coup de foudre, c'est le 20 juillet 1785. Vous nous expliquez, c'est incroyable cette histoire. Oui, moi je pensais qu'au départ, je me dis c'est sorti d'un mauvais scénario justement complotiste, puisque c'est la foudre en plein été, en juillet 85, qui s'abat sur un malheureux religieux, le père Lanz, qui se trouve être à cheval à côté du fondateur, Weishaupt, Spartacus, et tout simplement, on découvre sur son corps qu'il avait une lettre de mission donnée par Spartacus pour aller enquêter sur savoir ce qui se passait, puisque l'ordre commence à avoir des difficultés à ce moment-là, et puis voir ce qu'on pourrait faire pour le redévelopper. Donc en fait, un émissaire secret, mais qui meurt en révélant des documents, etc. Et donc là aussi, les autorités en prennent connaissance en quelques jours, et ça y est, l'ère de la traque commence. La traque qui est facilitée parce que, vous nous l'avez dit, Pierre-Yves Beaurepaire, il y a énormément de documents. Mais surtout, et c'est ça que je trouve fascinant, quand vous nous disiez que pour lutter contre la société secrète, le pouvoir fait le choix de tout dévoiler. Ce qui veut dire que les sources dont dispose l'historien, l'historienne aujourd'hui, les contemporains eux-mêmes en disposaient. Les documents étaient publiés très vite. C'est ça qui est assez exceptionnel dans cette histoire-là. Et je pense que ça aussi, c'est fondateur de la logique ensuite, dévoiler la logique conspirationniste ou complotiste, dévoiler les secrets qui ne devraient être connus de personne. C'est que la politique, c'est instantanément de sortir les documents, les listes, d'identifier le nom d'ordre. Spartacus, c'est Adam Weishaupt, etc., etc., sur des centaines de membres. C'est publier leur correspondance, c'est de dire, en fait, on les a trouvés à tel endroit, dans tel château, lors de descentes de police, etc. Et donc, en fait, on fait participer le public à l'enquête des autorités. Ah oui, c'est ça qui est absolument sensationnel, parce que c'est une histoire qui nous conduit en Bavière, comme une évidence, parce que c'est là que sont nés les Illuminés, mais plus globalement, dans toute l'Europe. Alors ce jeune homme, jeune homme, d'abord, disons qu'il avait un très joli nom. Il s'appelait le vicomte de la Tour Grandval. Et il avait d'abord servi dans les armées du roi, je veux dire les armées Louis XVI. Et puis il est tombé amoureux de la femme d'un ministre du grand électeur de Bavière. Alors il s'est installé à Munich. Et puis ensuite, il s'est installé dans une petite ville, Ingolstadt. Et c'est dans les environs de cette petite ville que se déroule l'histoire. On lui a dit ceci. Cette nuit, vous serez initié. Cette nuit, vous traverserez des épreuves. Surmontez-les et vous serez des nôtres. Vous entrerez dans la très secrète et très redoutable confrérie des Illuminés de Bavière. En 1976, sur France Inter, Jacques Pradel s'intéresse aux histoires magiques de l'histoire de France. Ah bah oui, tout de suite, ça fait rêver. Mais il y a de ça dans cette histoire des Illuminés, Pierre-Yves Beaurepaire. Les gens sont fascinés par le secret. Et ça, c'est une très très bonne analyse, parce que tout de suite, le secret attire, fasciné au-delà de la Bavière. Succès européen, pour le dire autrement, en parle-t-on ailleurs qu'en Bavière ? Alors oui, tout à fait. Le succès est européen. L'ordre lui-même hésite un petit peu à sortir de l'espace germanique, mais finalement, très rapidement, ils vont jusqu'à Berlin, avec des grandes figures comme Friedrich Nicolai, qui est la figure des Lumières berlinoises à ce moment-là, qui est à la fois libraire, éditeur, imprimeur. Donc leurs ennemis vont dire « Regardez, ils tiennent les médias de l'époque, ça aussi c'est très moderne. Toute la presse est sous leur contrôle. Donc nous, si on veut exister, on va devoir avoir une presse alternative. Donc tout l'espace germanique, mais aussi ils ont un émissaire qui s'appelle Baudeux qui vient à Paris. Moi, j'ai travaillé sur son journal de voyage. Il passe par Strasbourg. Il vient à Paris implanter les Illuminatons en 1785. On a des émissaires danois qui vont jusqu'à Naples. Et puis, il y a un projet. Moi, ça m'a beaucoup plu parler d'enquête en faisant cette enquête dans l'enquête. C'est ils ont un projet d'installation en Caroline du Sud, la guerre d'indépendance américaine n'est même pas terminée, qui se disent qu'on pourrait peut-être aller s'implanter là-bas, former une communauté fermée qu'on appellerait Elysium. Déjà, ça aussi, ça fait vendre hein, pour l'époque, parce que ça fait référence à leur fascination pour les mystères d'Eleusis. Et de là, on pourrait s'implanter. Ils écrivent aux autorités américaines, bien sûr, sans jamais dire qu'ils sont membres des Illuminatons, mais pour dire, voilà, on pourrait se former là et tout. Il y en a en Russie, etc. Donc oui, on a vraiment... cette projection. Et puis cette projection qui nous conduit aux États-Unis, évidemment, aux États-Unis où il est question de ces Illuminati. Et c'est vrai que Timothy Dwight, le président de l'université de Yale, en 1798, s'intéresse, évoque ces gens venus de là-bas, de l'autre côté de l'océan. Allons-nous, mes frères, devenir les complices de ces péchés ? Allons-nous les faire entrer dans notre gouvernement, dans nos écoles, dans nos familles ? Allons-nous laisser nos fils devenir des disciples de Voltaire et des dragons de Marat ? Laisserons-nous nos filles devenir les concubines des Illuminati ? Olivier Martineau qui disait « Avec la voix qui fait peur, qui convient bien », ce texte de 1798, Pierre-Yves Beaurepaire, très intéressant dans cette citation du président de l'université de Yale, l'association des noms Voltaire, la philosophie des Lumières, de Marat, le révolutionnaire, et puis des Illuminati. Ça se construit ainsi, hein. Tout à fait. Et ça va très, très vite parce que vous, en ouverture, vous évoquiez Baruel. Deux premiers volumes, 97. Les deux suivants, 98. Son complément et rival britannique, Robison, et qui a un titre génial, Proofs of a Conspiracy, preuve d'une conspiration. C'est quelques semaines plus tard, en 1797. Et bien, quelques mois plus tard, on est de l'autre côté de l'Atlantique. On est aux États-Unis. Et puis, là aussi, c'est pas des Illuminés au sens zinzin, hein. Dwight et son frère, ils sont deux. Lui est président de Yale. Il réunit les professeurs, les étudiants, et il fait ce type de sermon, son frère aussi. Un autre pasteur, J.D. Morse, qui est un des fondateurs de la géographie américaine, fait exactement la même chose. Et on veut peser sur l'élection à venir en disant « Attention, les Illuminati sont chez nous. Ils ne sont pas restés en Europe, ils sont arrivés. » Et on a un autre pasteur, Snyder, qui écrit au vieux Washington, hein, qui va mourir bientôt, on lui dit « Mais réveillez-vous, ils sont là !» Et comme Washington a la mauvaise idée de lui répondre en disant « Mais vous inquiétez pas, c'est pas vrai, ils n'ont pas franchi l'Atlantique. » L'autre se dit, ça y est, j'enclenche la correspondance, l'échange, etc. Et la preuve est faite que les autorités n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Pierre-Yves Beaurepaire, dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où, aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, il y a la peur des Illuminati, la société secrète elle-même n'existe plus en tant que telle. Ça y est, c'est déjà quelque chose d'ancien. Exactement, c'est déjà du passé. C'est ça le paradoxe, c'est que les Illuminaten historiques, ceux de Weissau, ceux de Bavière, eh bien, c'est terminé. C'est terminé depuis une dizaine d'années. Alors, ils vivotent au milieu des années 80, etc. Mais grosso modo, c'est terminé. Et ça y est, le relais a été pris par le mythe, aussi bien les Illuminati de Bavière pour Baruel que les Illuminati pour les anglophones. Et c'est aujourd'hui ça qui perdure. Et donc, il y a deux temps, tout à fait. Et puis, la révolution américaine, les États-Unis, leur guerre d'indépendance, et la révolution française alimentent aussi l'idée du complot. Dans les Illuminati que vous publiez chez Talendier, Pierre-Yves Beaurepaire, il y a cette analyse qui permet de comprendre le succès de ce mythe du complot. C'est que c'est facile pour saisir l'ampleur des événements. La révolution française, pourquoi? Ah bah si, c'est simple, il y a un complot Illuminati. Exactement, on peut tout expliquer. On peut expliquer ce qui serait difficile. Les historiens diraient « Ah oui, mais il y a une pluralité d'origine, de cause, etc. » Là, on a l'explication clé en main. On a un complot, une conspiration. Et ça, ça va durer jusqu'à la fin du 19e siècle et puis ensuite jusqu'aux deux guerres mondiales comprises. À chaque fois, on met à jour le complot des Illuminati pour dire « Voyez, ça a commencé là et c'est toujours vrai aujourd'hui. » C'est toujours vrai aujourd'hui. Les Illuminati sont une société secrète qui nous contrôle. Ils veulent que tu sois comme tu sois là. Tout a un lien. France Culture, c'est ça, les Illuminati. Le cours de l'histoire. Ils utilisent par exemple la technique du chemtrail. Tu vois les trucs blancs que tu vois derrière les avions, et ben ils laissent des produits chimiques que nous on respire comme ça. Après nous on est sous leur service bizarre. Non, y a pas de ça, Momo. Xavier Mauduit. Ah ben, ils font peur ces Illuminati, c'est sûr. Pierre-Yves Beaurepaire, les Illuminati disparaissent très vite et leur mémoire, leurs souvenirs perdurent à travers l'idée du complot. Dans le même temps, il y a toujours d'autres sociétés discrètes ou secrètes, notamment les francs-maçons. Ben, j'imagine que les Illuminati focalisent l'attention, mais quand même pas de grand monde. Nous citons quelques noms comme l'abbé Baruel, bien sûr, mais est-ce que l'écho est si fort que ça? Est-ce que l'explication, par exemple, de la révolution, du jacobinisme par les Illuminati est une idée très répandue? Alors moi, je dirais oui, parce que d'abord, leurs livres sont vraiment des succès de librairie, sont réédités, traduits. Et quelqu'un comme Baruel, même certains prêtres de ses amis disent, il veut quand même faire de l'argent hein, avec ça, parce que c'est vraiment un filon, donc c'est très reçu, d'une part. D'autre part, il y a aussi le fait que la fiction, la création s'en empare tout de suite. La première nouvelle qu'on appelle gothique en Amérique en 1800, c'est Julia et le baron illuminé. Et ça, cette présence des Illuminati dans la création, dans la fiction, que ce soit le roman, que ce soit ensuite le cinéma, les séries, etc. Moi, dans le livre, je prends des exemples de chansons de rap, c'est jusqu'à aujourd'hui compris. Et ça commence très très tôt. Voilà. Donc ça, et puis Alexandre Dumas avec Balsamo, etc. Oui, parce qu'il y a de ça aussi au 19e siècle avec le romantisme, hein, le mouvement littéraire. Il y a cette appétence pour le secret. Donc ça profite aussi aux Illuminati. Oui, tout à fait. Et ça profite aux Illuminati parce qu'en fait, ils sont toujours remis au goût du jour. On considère qu'ils sont toujours là. Weissau lui-même meurt tard, hein, meurt en 1830. Hein, donc même s'il est plus actif par la suite, il est toujours présent. On a quand même imaginé à un moment donné qu'il avait remplacé Washington, hein, qu'on avait assassiné Washington et Weissau avait pris sa place. Ils sont toujours recyclés. Quand on va voir les premiers, demain vous aurez l'émission sur les Carbonari, quand on va voir les premières conspirations libérales des Carbonari, on va dire, ce sont les fils directs des Illuminati. Certains qui ont vécu longtemps sont peut-être eux-mêmes devenus carbonari. Donc, on a franchi le siècle et on va continuer comme ça jusqu'à l'effondrement de l'Empire russe, jusqu'aux guerres mondiales. Et finalement, les Illuminati se portent toujours très très bien. Hein. Et au 19e siècle, c'est vrai qu'une des grandes questions est le pourquoi de la Révolution. Hein. Nous savons qu'il y a tant et tant d'écrits sur les Girondins, les Jacobins. Et au moment de la Restauration, après Napoléon, c'est le retour des rois. Il faut toujours expliquer le pourquoi de la Révolution française. C'est dans ces années 1820 que vit Jacques le Croquant. Tout cela est l'œuvre des Jacobins, des incrédules, des impies. Oui, ces livres ont été enfantés par les philosophes et les loups dévorants de la Révolution. Ils sont le poison de Satan. Aussi faut-il les brûler, mes frères, et les réduire en cendres à tout jamais. Car ils ont séduit et perverti jusqu'à des prêtres. un extrait du téléfilm Jacoule Croquant de Stelio Lorenzi, d'après le roman de Jeanne Leroy. Ici, nous avons un condensé aussi de ce qui fait le succès des Illuminati. Hein. Donc, nous avons un peu de religion, un peu de mysticisme, de diabolisme, et puis un mouvement anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Exactement, tout y est, le jacobinisme. Hein, et on va faire une sorte d'équivalence, Illuminati, jacobin. Donc tous les jacobins, néo-jacobins, néo-néo-jacobins seront tous ramenés aux Illuminati. La référence païenne, on veut détruire la religion du Christ pour revenir dans le paganisme. Et ça, ça va courir tout au long du 19e siècle. Et comme à l'origine du projet de Weishaupt et des siens, c'est de revisiter les mystères antiques, culte d'Eleusis, les cultes orphiques, Mitra dont on parlait hier, etc. Ça, ça va être extrêmement présent jusqu'ensuite la statue de la liberté, hein, nouvelle effigie païenne. Donc on va jouer là-dessus. Et puis, le plan des plans, c'est le plan satanique. Et quand vous aurez ajouté Illuminati égale Jacobin égale projet satanique, tout est dans tout. Mais là, moi, je suis bouche bée parce que la statue de la liberté aussi sont les Illuminati. Exactement, parce que la statue de la liberté offerte par la Troisième République, par raccourci, c'est donc offert par les descendants des Jacobins français. Et cette statue de la liberté, en fait, au départ, elle était destinée au canal de Suez. Et c'est l'Égypte apportant la lumière à l'Asie. Donc à la fois modèle par Bartholdi d'une paysanne égyptienne, mais aussi d'une divinité païenne. Et quand il a sud du Second Empire, il n'a pas pu la réaliser telle quelle. On l'a reprise pour ensuite en faire ce don, mais qui est pas totalement un don parce qu'il devait participer aussi aux États-Unis. Toute une partie de la population américaine est très tôt vent debout en disant que c'est le cheval des Troie des Illuminati. Et comme on a trouvé en plus récemment des correspondances secrètes de Bartholdi à sa femme qui va dire c'est le nouvel ordre des siècles, etc. Ben alors là, le fantasme. Ah oui, là, faut pas utiliser hein, ces mots-là. l'ordre du monde, faut pas utiliser des yeux, des triangles. Et le problème, c'est que ces symboles se retrouvent sur le dollar. Cette toile à la gloire du dollar, Dali la compose avec une minutie de détails inventifs rarement atteints selon lui. Jamais nous a-t-il dit je n'ai autant apprécié ce talisman que fut pour moi l'anagramme que fit Breton avec mon nom, Avida Dollar. Un jour, a-t-il ajouté, je dirai la vérité sur ce qui rendit fluide, douce et monotone la pluie des dollars. Évocation en 1964 dans les actualités de Salvador Dali et du dollar, parce que le dollar est un élément dans la poche de tout le monde pour prouver l'existence des Illuminati. De toute façon, toujours la même chose avec le complot, dès que l'on cherche, on trouve. Exactement, et on trouve d'autant plus que tout devient élément, là aussi, trace laissée par les Illuminati, une société secrète qui est tellement sûre d'elle qu'elle abandonne toutes sortes d'indices, il suffit de les chercher. Donc on propose à tous ceux qui sont prêts à accepter ce type de lecture d'aller regarder. Vous voyez 1776 sur le billet d'un dollar ? Mais c'est pas l'indépendance américaine, c'est l'année de fondation des Illuminaten, 1er mai 76 par Weishaupt. Vous voyez la pyramide inachevée ? Et ben c'est celle des... la pyramide à 13 degrés, etc., pour 13 états, etc. C'est celle des Illuminaten. Ils n'ont jamais eu de pyramide. L'œil de la Providence, l'œil d'Horus, etc. aussi. Alors qu'eux, ils avaient une chouette, Minerve. Et puis, comme ils n'ont pas d'image, ben, on leur en a inventé. Et on leur a accordé tout ça. Et comme c'est Roosevelt qui crée ce billet d'un dollar en 33 en reprenant le sceau, donc le grand sceau des États-Unis qui a été créé au milieu des années 1780, on s'est dit, voyez, c'est bien la preuve que le sceau même des États-Unis qu'on reprend sur le billet d'un dollar à l'époque du New Deal, eh bien, c'est lui-même la marque des Illuminati. Pierre-Yves Beaurepaire, vous êtes en train de dire que les Illuminati historiques, les premiers, là, ceux de Bavière au XVIIIe siècle, donc avaient une petite chouette comme emblème, ce qui est sympathique, une chouette, on l'aime beaucoup, avec un livre blanc, hein, non écrit, c'est très joli, et que ben, la pyramide, l'œil, le triangle, tout ça, qui est en couverture de votre livre, hein, les Illuminati de la société secrète aux théories du complot, tout ça, ça a été, on va dire, imposés à l'image des Illuminati. Exactement, comme ils n'avaient pas eux-mêmes, finalement, c'est une sorte de franchise. Ensuite, sans qu'on vous réclame de royalties, de droits d'auteur, tout le monde peut piocher dedans les noms, les références, ouais, y compris Spartacus, ça. Donc, cette gentille chouette, parce qu'elle est toute mignonne, la chouette, hein, ben, finalement, c'est pas grand-chose. Donc, on va leur inventer autre chose. Et lorsqu'on crée le fameux Bohemian Club en Californie, aux États-Unis, là, en fait, c'est pas une chouette, c'est un hibou. Ah, on va dire, mais c'est pas grave. En réalité, c'est la chouette des Illuminati. Ils contrôlent encore les médias, le pouvoir économique aux États-Unis, etc. Si les fondateurs des fameuses sociétés secrètes qu'on trouve dans les universités américaines, genre Skull and Bones, etc., ont fait des voyages d'études en Bavière, c'est bien pour revenir aux sources de cet ordre secret. Pierre-Yves Beaurepaire, dans cette étude sur les Illuminati, sur le temps long, bien sûr, hein, depuis le XVIIIe siècle, vous voyez des évolutions, des moments où ils sont passés de mode, et puis des moments où ils surgissent de nouveau dans le discours. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment caractéristique, là aussi, de cette matrice complotiste. Il y a un fond qui est toujours là, mais parfois il est en sommeil, parfois il s'active. Tout à l'heure, j'ai mentionné brièvement l'élection présidentielle américaine de 1800. Quand on va dire, regardez Jefferson, c'est quand même un des pères fondateurs de l'indépendance américaine, c'est lui. Le membre des c'est lui le membre des Illuminati qui est là et son entourage en fait partie. Comment ils vont il va gagner les élections, la réélection de John Adams sera manquée, eh bien finalement là on va se dire que c'est pas une carte très très bonne à jouer, hein, puisqu'on on a réussi à parer le coup. Mais donc pendant un quart de siècle ça bouge pas. Maintenant on est en 1820, il y a un parti anti-maçonnique qui se crée aux États-Unis, justement, qui va pousser un candidat, le propre fils du président Adams, hein, John Quincy Adams, qui va dire que là, c'est vraiment... le mal est partout, on les a laissés faire pendant 25 ans, donc c'est très actif. Retomber, remonter, et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très récurrent, qu'on retrouve aussi à la chute de l'Empire soviétique. C'est forcément un coup des Illuminati. Et puis ensuite, redescendre, remonter, etc. Ben justement, restons au début des années 1990 pour un discours du président George Bush. Et nous l'avons bien dit, il ne faut pas utiliser ces mots « nouvel ordre mondial ». A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be. Le président George Bush qui évoque le nouvel ordre mondial, donc après la chute du mur de Berlin. Ah ben alors là, c'est formidable parce que les élites parlent d'un nouvel ordre mondial et la lecture des complotistes y voit la preuve que les Illuminati sont toujours au pouvoir. Tout à fait, la preuve est faite. Et en plus, dans son jeune temps, il a appartenu à Skull and Bones, dont le fondateur est allé faire des études en Bavière. Donc c'est la preuve que ils sont toujours là, ils contrôlent le pouvoir. Et là aussi, dans l'aspect cyclique des choses, on fait une sorte de généalogie des élections qui ont été truquées par les Illuminati, ou ceux qui gravitent autour, puisque de manière générale, c'est devenu le plan satanique. Donc on est tout à fait... dans cette perspective-là. Et ça va très loin parce que dans la conclusion, je reprends le discours sur TikTok qu'a fait le président Macron à l'été 2021, quand il veut convaincre les jeunes de se faire vacciner contre le Covid. Il est en t-shirt pour faire jeune. Hein. Il a un hibou stylisé. Aussitôt, la complosphère dit « Mais c'est pas un hibou stylisé, c'est la chouette des Illuminati. » Eh ben voilà, ça c'était une évidence. Non mais bien sûr, c'est ça qui est fascinant parce que vous êtes historien des Illuminati, Pierre-Yves Beaurepaire, mais les complotistes qui soutiennent, qui pensent que les Illuminati sont au pouvoir, sont aussi historiens dans leur démarche. En tout cas, ils se veulent comme tels. Il y a toujours cette volonté de regarder en arrière et évidemment de trafiquer un petit peu pour arriver aux conclusions qu'ils désirent. C'est exactement ça. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est les paroles des chansons de rap. Je prends par exemple Mathias Cassel. C'est une lecture historique. Il remonte à l'origine. Et puis, il voit le complot britannique, l'empire britannique, empire satanique qui veut contrôler le monde, etc. Vous avez la référence aussi à la Révolution, à l'Empire, à la conquête de l'Ouest américain. Ce sont des paroles de chansons de rap, mais c'est une lecture historique de la succession de ces conspirations, hein, toujours tramées autour de ce plan satanique, jusqu'au plus récent. Donc ils ont une lecture historique, tout à fait. Alors étonnamment, pour une société secrète, vous disposez de sources, au plus proche d'ailleurs du XVIIIe siècle, qui parlent des Illuminati. Puis alors vous disposez de sources gigantesques pour étudier le complotisme actuel qui évoque ces Illuminati. Exemple avec un petit farfouillage sur Internet. La chouette du billet d'un dollar. Un billet très particulier, plein de signes et de symboles étranges. Illuminati. Il serait chauve, environ un mètre, de couleur gris-marron, tout maigre avec une tête disproportionnée par rapport au corps, des yeux rouges et dégagerait une odeur d'ammoniac. Illuminati. Ce sont ces juifs qui vont fonder des banques, et ce, avec l'aide des Illuminati, francs-maçons, qui sont eux-mêmes juifs et qui veulent que les juifs gouvernent le monde. Pompidou était un hybride extraterrestre. L'emploi de la géométrie sacrée dans la construction issue du savoir égyptien sera préservé et transmis en secret. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Parce qu'il y a la gravité. Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte. On peut ainsi très vite démasquer les traîtres, voire les éliminer. Illuminati. Alexandre Manzanares qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture et qu'aujourd'hui à la technique Edouard Rubinstein s'est amusé à regarder quelques vidéos sur Internet pendant ses heures de travail. Et désormais, il est considéré comme un complotiste notoire après tout ce qu'il nous a ramené. Non, mais Pierre-Yves Beaurepaire, c'est de la folie parce que d'une société secrète vraiment petite et à une courte vie, en fait, au XVIIIe siècle, on devient un monde gigantesque où arrivent des reptiliens, des extraterrestres. Parce que les présidents des États-Unis sont des lézards, en vérité. Ce mix est absolument génial parce que finalement, c'est tout à fait ça. Puisque ça devient une sorte de supermarché en accès libre des références, des peurs, des complots, etc. Vous pouvez apposer ce label Illuminati à tout. Il y a même un film absolument que je déconseille quand même vraiment aux auditeurs, que je me suis visionné deux fois pour aller jusqu'au bout. C'est Donald Trump versus The Illuminati. Il est un clone chinois. C'est un film totalement d'animation. Il est dans l'espace et il lutte contre les aliens. Et ces aliens sont bien sûr les Illuminati. Donc il y a une production absolument délirante, mais qui surfe toujours sur l'actualité. Et qui derrière appose le label Illuminati. Ah oui, Donald Trump, un clone chinois dans l'espace pour lutter contre les Illuminati, c'est quelque chose d'absolument fou parce que il y a plusieurs niveaux de lecture de ces Illuminati. Il y a un sourire léger quand nous entendons tout cela, mais il faut pas prendre à la légère puisque certains y croient vraiment. Et à côté, vous avez, on le sent bien, un vrai discours complotiste qui se construit, qui intellectualise ce phénomène. Du réseau social avec ce sont des Illuminati et le président des États-Unis est un lézard, à la vraie théorie du complot, le champ est vaste, Pierre-Yves Beaurepaire. C'est dur à étudier ça. Tout à fait, il y a vraiment plusieurs plans et la dimension intellectuelle, moi, me paraît très importante parce que souvent, par rapport aux complotistes, on a une position un peu de surplomb, de mépris en disant « Ah, c'est des abrutis qui comprennent rien, la complexité du monde ». Pas du tout. Quand on voit l'origine même, dans la fin du XVIIIe siècle, ceux qui nourrissent Baruel et Robison de leur thèse, ce sont de grands intellectuels. Robison lui-même, c'est quelqu'un qui était professeur de physique, secrétaire de la Royal Society d'Édimbourg, etc. De Luc, l'informateur de Baruel, c'est quelqu'un qui était un très célèbre minéralogiste dans toute l'Europe. C'est vrai, ça, au XIXe siècle. On a de grands savants, Morse, père et fils, y compris Morse, l'inventeur de l'alphabet Morse, se sont dévoués à la cause anti-Illuminati. Donc, vous avez des gens qui intellectualisent vraiment. Et moi, je vais jusque à Vichy, quand on confie la lutte contre les sociétés secrètes, ça s'appelle officiellement comme ça, à Bernard Failly, qui se trouve être à la fois l'administrateur de la Bibliothèque nationale, c'est pour ça que les archives maçonniques sont toujours à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. Eh bien, à l'origine, c'est un spécialiste de l'Amérique du XVIIIe siècle qui est devenu un spécialiste de la Révolution française, qui publie une revue qui s'appelle Documentation maçonnique, où on va en fait sortir les documents du XVIIIe qui prouvent que, le mal est si profond qu'il a bien évidemment provoqué la chute de la France en 1940. Donc on a, et il continuera à faire ça jusqu'à la fin de sa vie en 1978, même s'il a été condamné pour indignité nationale. Ensuite, il est revenu dans des cercles catholiques ultra très fermés, mais avec une audience très forte jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, faut pas du tout sous-estimer l'importance de cette dimension intellectuelle et d'intellectualisation de ce complot et de cette origine-là. C'est extrêmement présent. D'où la démarche de l'historien et cette importance de l'étude des Illuminati, parce que au-delà de cette vidéo sympathique que l'on peut croiser un jour comme ça par hasard, il y a vraiment toute cette construction derrière extrêmement sérieuse. Et vous, Pierre-Yves Beaurepaire, au moment d'étudier les Illuminati, vous touchez à des questions extrêmement sensibles. Alors, bon, les Illuminati, les Illuminés même, parce que c'est comme ça qu'on les appelait au XVIIIe siècle, les historiques ne vont pas vous enquiquiner. Mais ceux d'aujourd'hui, vous avez des retours ? Oui, on a même des retours très agressifs, parce que se dire, mais finalement, oui, c'est un complotionniste, ça c'est assez fréquent. Et moi, le premier retour que j'ai eu par rapport à ça, c'est notamment, c'est pas seulement un complot sioniste. Rappelez-vous la lettre, c'est pour ça que je la donne en annexe. Rappelez-vous la lettre que Simonini, donc un officier piémontais, a écrite à Baruel pour leur dire, maître. Pour lui dire, maître, votre livre est très très bien, mais vous oubliez les Juifs. Vous oubliez les Juifs, ce n'est pas simplement un complot protestant contre les catholiques ou catholique pour les Bavarois contre les protestants. Ce sont les Juifs et Nicolai à Berlin, etc. Les Illuminés de Berlin, en fait, ce sont des Illuminés juifs et ils ont contaminé, le terme n'est pas neutre, la Révolution française via Mirabeau, qui était parmi eux au milieu des années 80, 1780. Et ça, cette dimension juive qu'on trouve aussi bien dans le complot judéo-maçonnique que dire Weishaupt était juif, etc. Ça, c'est une autre ligne qu'on peut suivre jusqu'à la fin du 19e siècle et qui est encore très prégnante aujourd'hui, y compris sur Internet, etc. Ce qui fait que les premiers retours que j'ai eus étaient par rapport à ça. C'est toujours passionnant de voir comment les fils se tirent. Vous venez d'évoquer Mirabeau et c'est là où on sent toute l'enquête avec les Illuminati. C'est que Mirabeau est accusé d'être un illuminé et vous faites l'enquête. Mais oui, effectivement, il était à Berlin à un moment donné. Après, pour le reste, on ne sait pas. Pour finir, Pierre-Yves Beaurepaire, Goethe, illuminé, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Goethe, pour nous, c'est le poète, mais c'est aussi un homme d'État. Ça a été aussi un ministre. Il a fait partie des Illuminatons. Il a été très lié à Baude, celui qui les a implantés en France, etc. Mais quand on commence... et puis il est lié à Weimar, à Gotha, les lieux où le prince lui-même est Illuminaton et les protège, simplement. Goethe, il pense aussi à son avenir politique. Il pense aussi à sa carrière. Il n'a pas envie que son nom apparaisse partout. On a exactement la même chose à Vienne au même moment, et dit que finalement, ben, si on doit les sacrifier, etc., eh bien, sacrifions-les. Il fait partie de ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bout pour entrer dans la clandestinité. Ah oui, non, il n'a pas été jusqu'au bout, loin de là. Non mais voilà, c'est une histoire passionnante que vous nous offrez, Pierre-Yves Beaurepaire, les Illuminati de la Société secrète aux théories du complot, publié chez Talendier. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas simplement les Illuminati ? C'est quand vous décryptez le fonctionnement, en fait, avec un cas particulier du fonctionnement d'un complot. Tout à fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment on passe de l'histoire au mythe et cette matrice complotiste, puisque finalement, jusqu'à aujourd'hui y compris, dans des contextes très différents, elle est sans arrêt remise au goût du jour. À l'époque, ils voulaient empoisonner. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, ils veulent nous empoisonner avec les vaccins, etc. Donc, on a une capacité à les recycler en permanence qui est absolument saisissante. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup à vous de nous avoir illuminés, éclairés. Ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi Léon Blum a-t-il voulu créer l'ENA ? Le projet visant à créer une école nationale d'administration a été lancé à l'instigation de Léon Blum en août 1936 par le ministre de l'Éducation nationale mis en place par le Front populaire qui s'appelait Jean Zay. Le but était de démocratiser l'accès au grand corps administratif du pays, car jusque-là, ces hauts fonctionnaires étaient recrutés par des concours dont la préparation était, de fait, le monopole d'une institution privée, l'École libre des sciences politiques, ce qui permettait à la haute bourgeoisie parisienne de détenir un quasi-monopole sur ces postes prestigieux. Les initiatives prises par la gauche pour démocratiser le recrutement alimentèrent une vive contestation au sein de ces élites. Mais pour défendre leurs intérêts, celles-ci n'ont pas besoin de défiler dans les rues, ni même de faire la grève. Il suffit qu'elles utilisent leur pouvoir pour bloquer les réformes qui les dérangent. Voilà pourquoi le Front populaire, qui avait beaucoup d'autres chats à fouetter, ne parvint pas à mettre sur pied cette fameuse École nationale d'administration. Mais en 1945, le rapport de force avait totalement changé. Beaucoup de hauts fonctionnaires ayant servi avec zèle le régime de Vichy furent mis sur la sellette. Le gouvernement, issu de la résistance, prit alors des mesures énergiques pour une refonte complète de la fonction publique. C'est dans ce contexte inédit qu'a été créée l'ENA. Démocratiser l'accès à la haute fonction publique nécessitait d'abord de combattre le particularisme des grands corps, en faisant en sorte que tous les hauts fonctionnaires soient formés au sein d'un même organisme. Il fallait aussi lutter contre la domination parisienne, ce qui se concrétisa par la mise en place de plusieurs instituts d'études politiques en province. Enfin, cette démocratisation exigeait qu'une place soit réservée aux agents subalternes de la fonction publique en créant un second concours qui leur était réservé. Les responsables de cette réforme voulurent innover aussi sur le plan pédagogique. Alors que jusque-là, l'enseignement reposait exclusivement sur des cours magistraux et des conversations mondaines, il fut décidé de renforcer la professionnalisation de ces futurs hauts fonctionnaires en leur imposant un stage de terrain. En 1949, Pierre Racine, le directeur des stages, proposa même que les élèves de l'ENA complètent leur formation par un stage ouvrier de 15 jours, afin que ces élites soient mises en contact avec tous les milieux de la nation et qu'ils comprennent le travail et la tension nerveuse de l'atelier. Bien que le contexte politique ait été beaucoup plus favorable aux réformateurs que sous le Front populaire, il fallut une dizaine d'années pour vaincre l'opposition de la vieille garde des grands corps et des anciennes administrations. Finalement, c'est la réforme de 1958 qui mit fin à ces turbulences. Mais le pouvoir gaulliste accepta alors des compromis qui peuvent expliquer pourquoi le problème de la démocratisation de la haute fonction publique n'a pas été résolu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en avril 2021, Emmanuel Macron a décidé de remplacer l'ENA par l'ISP, l'Institut du Service Public. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Cudes, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde, Margot Vielle. Une émission préparée également par Mayouen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr où vous retrouvez le pourquoi du comment de Gérard Noiriel ainsi que sur l'appli Radio France.